Ce panneau annonce que je vais rencontrer un passage à niveau protégé à environ 150 mètres. Il ne faut pas le confondre avec le signal d'un passage à niveau sans barrière. Le panonceau qui l'accompagne précise que celui-ci est à fonctionnement automatique. Cette signalisation implique obligatoirement la mise en place de demi-barrières et d'un feu rouge clignotant. En présence de ce signal, je suis tenu de ralentir.